pour des remorques fiables, robustes et de qualité. Remorque 2000 est la place qu'il faut visiter. Nous fabriquons des remorques de tous les styles, que ce soit l'utilitaire, le cargo ou le gooseneck. Nous avons la remorque que vous cherchez, même s'il faut la fabriquer. Nous sommes distributeurs exclusifs de la marque Maxiroule. Remorque 2000, une entreprise 100% régionale. 643 Dequin d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5343. Remorque2000.com. Le propriétaire, M. Daniel Deschaines, souhaite la meilleure des chances aux organisateurs du Festival du Bleuet et invite la population à y participer en grand nombre. On s'en va à Thetford Mines pour le dernier reportage avec notre ami Alexandre Lallemand. Salut Alexandre. Salut, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Alexandre, qu'est-ce qui se passe à Thetford Mines avec nos athlètes? Aujourd'hui, une journée chargée. Là, tu l'as dit, on s'en va tranquillement pas vite vers la fermeture des Jeux. Ouais. Nos équipes de volleyball de plage étaient en action. Les garçons ont terminé le tournoi, donc ils sont en 8e position. Et une surprise, là, les filles se sont classées pour le match de finale. Donc les filles vont s'affronter là à 16h tout à l'heure pour la médaille d'or ou d'argent. C'est vraiment une première dans notre histoire là, de délégation qu'en volleyball de plage, on se rend là, dans un match de finale. Et même que les garçons là, se classent dans un top 10. Donc, c'est une belle percée pour notre volleyball de plage. Oui. Ensuite, en natation, nos trois athlètes, là, un peu plus tard, là, vont nager là, pour des médailles. Là. Mathieu Ouellette au 100 mètres libre. Raphaël Miquelette, elle, va nager pour le 200 mètres d'eau. Et Alison Gobeil, 50 mètres brasse, paranage aussi, là, un peu plus tard, pour des chances de médailles. OK. Donc, jusqu'à maintenant, la médaille, on a 15 médailles. Donc, définitivement qu'on n'atteindra pas l'objectif. On peut finir à quoi? 17-18 médailles à peu près? Ben, en fait, comme je disais tout à l'heure, on a une possibilité là, d'un maximum de 4 médailles. Donc, peut-être quelques-unes vont se quitter là. Demain, il reste encore là, des épreuves là, cyclistes en équipe. Là. Peut-être qu'on est capable de faire une performance là. Ouais. Mais si on termine avec une vingtaine de médailles, là, elles vont avoir été là, acquis là, au dernier sprint, comme on dit. Ah ouais, c'est clair. Est-ce qu'on a visé trop gros? Ben, on fait le bilan lundi avec la chef de mission qui est Alexandra Larouche. Mais est-ce qu'on a visé trop gros, Alexandre, de ce qu'on a vu là? Par expérience, là, d'une année à l'autre, là, c'est difficile de faire un parallèle. Je vais te donner un exemple. Là, comme si là, en 2014, avec le sauvetage sportif, ben oui. On a gagné une trentaine de médailles, donc on avait closé les Jeux avec 64 médailles. Mm. Donc, l'année suivante pour Montréal, c'était difficile de faire un bilan là vers quoi on va aller. Cette année, la différence, on a parlé tout au long de la semaine, c'est les nouvelles règles là, que le ministère, que Sport Québec et que les fédérations ont placées pour vraiment amener les Jeux du Québec dans un processus qui amène vers les Jeux du Canada. Okay. Donc, ils ont vraiment accès, bon, c'est les athlètes de relève et qui participent aux Jeux, donc sont vraiment d'un processus de développement vers les Jeux du Canada. Donc, le changement qui est opéré, c'était plus dur pour nous de faire les prévisions en termes de médailles. Chose certaine, là, c'est sûr que on est content de ce qui a été ramassé. Pour nous, là, on vit souvent le tiers là, sur les 19 régions, donc finir peut-être 7 ou 8. Présentement, on est 10e au niveau des points. Donc, on va voir là, dans les prochains jours là, si on est capable de monter dans le tiers là, au niveau des points accumulés là, dans l'ensemble des disciplines. OK. Donc, on va en faire le bilan avec tout ça avec Alexandra Larouche lundi. Ben, Alexandre, il me reste qu'à te remercier. C'est sûr qu'on va se reparler direct la semaine prochaine, excusez-moi, parce qu'il y a une entrevue qui fait longtemps qu'on est souhaité faire pour la... Parce que toi, tu reprends ton poste de coordonnateur régional de hockey. Et il y a une nouvelle réglementation, ce qui a trait les âges, puis tu vas être avec nous la semaine prochaine pour nous en parler. Ça me fait plaisir là, qu'on puisse parler ensemble, avec un grand plaisir. Voilà, donc et merci pour les reportages. Donc voilà, c'était Alexandre Lallemand en direct de Thetford Mines.